Les mots d'après. Que personne ne vienne effleurer la plaie vive. De l'espace pour les cris, qu'ils prennent le pouvoir. Et remettre à plus tard les étreintes silencieuses. Infini des regards qui ne sont pas les siens. Il reste un lien ténu qu'on consolidera quand le temps finira par nous appartenir. Quand nous surmonterons sur le fleuve d'absence.